Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'un des scandales politiques les plus saisissants de ces dernières décennies. En mai 2011, à l'hôtel Sofitel de New York, une jeune femme appelle son patron paniqué. Elle affirme qu'elle vient d'être agressée sexuellement par le client de la chambre 2806, un certain Dominique Strauss-Kahn. De ce premier appel découle l'un des naufrages politiques les plus incroyables de l'époque contemporaine, un feuilleton politique et judiciaire suivi par les médias du monde entier pendant plus de 3 mois et dont le souvenir résonne puissamment aujourd'hui encore. Voilà un homme à qui tout semble réussir, patron du FMI, favori de l'élection présidentielle française, mais qui en l'espace de quelques minutes scie la branche sur laquelle il était assis et chute violemment. Une chute politiquement mortelle qui laisse un boulevard à celui dont on considère à l'époque qu'il jouera au mieux les faire-valoir de DSK dans la course à la primaire socialiste, François Hollande. Même les scénaristes de séries télévisées politiques n'ont pas eu cette imagination. Non, ce jour-là, au Sofitel de Manhattan, la réalité s'est montrée plus audacieuse que la fiction. C'est une histoire qui prend aussi aujourd'hui un sens nouveau, alors que l'année a été marquée par des scandales sexuels en série, à l'heure également, où dans les affaires de harcèlement sexuel et de viol, la parole des victimes se libère et prend du poids. Notre invité aujourd'hui, Aurore Gorius, journaliste pour le site Les Jours, spécialiste de la communication politique. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. New York, aéroport Kennedy, 14 mai 2011, 16h40. Les passagers du vol Air France 023 à destination de Paris commencent à trouver le temps long. Le décollage est annoncé comme imminent et pourtant le personnel de cabine n'a toujours pas fermé la porte de l'avion. Le commandant de bord est désolé, mais il a reçu l'ordre de rester à terre parce que l'un des passagers pose problème. On pense alors, et comme d'habitude, à l'un de ces voyageurs qui a traînassé dans les magasins des taxis de l'aéroport et qui pourrit la vie de tous les autres voyageurs ou qui n'a pas mis sa valise au bon endroit. Mais non, l'élément perturbateur voyage en classe affaires et commence lui aussi à s'inquiéter. Il a un rendez-vous important de l'autre côté de l'Atlantique, un rendez-vous qu'il ne peut pas se permettre de rater. Il consulte encore une fois sa montre quand un homme vient lui tapoter l'épaule. C'est un officier de la sécurité aéroportuaire qui lui demande poliment de suivre, avec son collègue, à l'extérieur de l'avion. Quelques minutes plus tard, ils reviennent, récupèrent les affaires de l'homme qu'ils viennent de débarquer et quittent l'appareil qui va pouvoir décoller. L'homme qui vient de débarquer de l'appareil, escorté par les agents de sécurité, cet homme à l'allure solide et pataude, les cheveux gris, c'est Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, l'un des hommes les plus puissants du monde, plus connu sous le surnom acronyme de DSK. Cet homme-là est alors au sommet. Depuis 4 ans, il est aux commandes du Fonds monétaire international. L'institution a pour mission de promouvoir la coopération économique et de faire reculer la pauvreté. Jusqu'ici, le fonds était impopulaire aux yeux des citoyens du monde, genre faible avec les forts et fort avec les faibles, comprenez, les pays pauvres. Mais DSK a transformé l'image du fonds monétaire, la sienne aussi. Nous sommes donc en 2011. Cet agrégé d'économie, ancien professeur à Sciences Po, membre du Parti Socialiste, ancien ministre de Lionel Jospin, fait figure de sage. À l'heure où l'économie est la boussole de toutes les politiques publiques, c'est devenu l'homme à suivre. Et personne ne doute qu'il sera l'adversaire de Nicolas Sarkozy au second tour et qu'il l'emportera. Mais à 17h, ce 14 mai 2011, le destin de DSK bascule. À 18h33, heure américaine, le raz-de-marée médiatique commence. Le New York Post, tabloïd américain abonné aux histoires de fesses des puissants, titre sur son site web « Le patron du FMI sorti manu militari d'un avion, arrêté pour agression sexuelle présumée sur une femme de chambre ». L'information se répand comme une traînée de poudre, et lorsqu'elle arrive en France, évidemment, elle fait l'effet d'une bombe. France Inter, flash spécial. Nous sommes en édition spéciale, 30 minutes d'information consacrées pour l'essentiel à l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Le directeur général du FMI a été arrêté et inculpé tôt ce matin à New York pour agression sexuelle, séquestration de personnes et tentative de viol sur une femme de chambre de son hôtel à Manhattan. Dominique Strauss-Kahn est actuellement en garde à vue dans un commissariat de Harlem. Le directeur du FMI s'apprêtait à s'envoler pour Paris. Il faut le dire et le répéter car c'est important, la présomption d'innocence demeure. N'empêche, cette affaire risque de ruiner sa carrière internationale. L'onde de choc a aussi des répercussions en France sur la campagne électorale pour la présidentielle. DSK a été donné favori dans les sondages. Comme pour les séismes, l'onde de choc arrive sans prévenir. Elle est d'autant plus violente. La première groggy, c'est Martine Aubry, numéro 1 du Parti Socialiste à l'époque. Pourtant, en cette nuit du 14 mai 2011, elle est d'humeur festive, la dame de Lille. Le LOSC, l'équipe de football de sa ville, vient de gagner un match important. Alors, Lille est en fête et la maire va en profiter. Vers 2h du matin, Martine Aubry est attablée avec quelques proches autour d'un couscous quand retentit le téléphone de Laurent Rousseau, son attaché de presse. DSK vient de tomber, dit-il, à New York, pour une histoire de viol. Stupeur. Depuis plusieurs semaines, tout était calme, fin prêt. La présidentielle approchant, pour le PS, le chemin était tracé, les sondages l'affirmaient. DSK l'emportera avec une large avance. Il n'y avait plus qu'à patienter jusqu'au jour J. Mais en un instant, tout vient de s'écrouler. Martine Aubry le sait, DSK est fini. Politiquement, il ne pourra pas s'en remettre. Mais elle n'a pas le temps de se morfondre. Les prochains jours seront rudes pour le parti. La première secrétaire du PS le sait d'expérience. Dans ce genre de situation, il faut agir vite, communiquer avec tact. Dans la nuit, elle contacte ses troupes. Tous les ténors du PS apprennent la nouvelle, les uns après les autres. Pierre Moscovici, Jean-Christophe Cambadélis, Laurent Fabius et bien sûr, François Hollande et Ségolène Royal. C'est Martine Aubry qui donne le « là ». Pas question de faire d'écart. Mot d'ordre, unité et prudence. Le sujet est bien trop sensible pour se permettre une faute de quart. Il faut que la ligne soit claire. Dès le matin du 15 mai, quelques heures à peine après l'arrestation du patron du FMI, Martine Aubry est devant les caméras de France 2. Les nouvelles qui nous parviennent depuis cette nuit de New York sonnent à l'évidence comme un coup de tonnerre. Et je suis moi-même, comme tout le monde, totalement stupéfaite. J'en appelle à chacun à attendre la réalité des faits, à respecter la présomption d'innocence, et puis à tous à garder la décence nécessaire. Je demande bien sûr aux socialistes de rester unis et responsables, mais je voudrais surtout dire aux Français que, quelles que soient les circonstances et les aléas, hier comme aujourd'hui, nous sommes là, les socialistes, pour les entendre, pour les comprendre, pour apporter les réponses à leurs problèmes et aux problèmes de notre pays, et aussi pour les servir. Même si la carrière de Dominique Strauss-Kahn semble déjà carbonisée, hors de question d'enterrer quand le corps est encore chaud. Et puis, après tout, il reste ce maigre espoir pour que tout ne soit qu'un méprisable malentendu. Sait-on jamais. En coulisses, un homme s'agite depuis plusieurs heures. C'est Stéphane Fuchs, le patron de l'agence de com Euro RSCG. Et il est prêt à tout pour défendre son client, DSK. Alors, il prépare la contre-attaque. Dans les grandes lignes, il explique au ténor du PS la ligne à suivre. Je le cite... Pour cette première étape, il n'y a pas de stratégie de com. Dites ce que vous ressentez, comment vous êtes touché, mais surtout, ne parlez pas de l'affaire. Mais déjà, au même moment, les premiers récits fuitent sur France Inter. Il était 19h à Paris, mais 13h samedi à New York, lorsque cette femme de chambre entre dans la chambre 2806 au 28e étage du Sofitel. Elle pense que cette chambre est vide et, je rapporte ses propos tels qu'ils nous ont été confiés par la police de New York, Dominique Strauss-Kahn serait nu dans la salle de bain, il la voit, c'est une grande chambre, c'est une suite, il s'avance vers elle, il se saisit d'elle, se jette sur elle et la projette sur le lit, manifestement pour la solliciter en vue d'une relation sexuelle non consentie. Ça ne se passe pas bien, il la traîne, selon sa version des faits, dans la salle de bain. Et essentiellement, lui demande la même chose, elle refuse d'obtempérer. Il tente à ce moment-là de l'enfermer dans la suite de l'hôtel, mais elle parvient à s'échapper. Elle prévient ses collègues de travail, elle téléphone à la police, elle est amenée en ambulance à l'hôpital où elle est traitée pour des blessures légères. La police arrive dans l'hôtel Sofitel au 28e étage, entre dans la chambre et trouve cette chambre vide, mais avec tout de même à l'intérieur quelques objets, dont un téléphone portable, qui ont été abandonnés par Dominique Strauss-Kahn. La police new-yorkaise a conclu que Dominique Strauss-Kahn est parti très très vite. un petit peu plus de trois heures plus tard, on le sort de l'avion et il a été interrogé toute la nuit par la police de New York avant d'être inculpé vers 2h15 du matin. Ça y est, la vanne est ouverte. Le torrent médiatique peut déferler. Dans ces conditions, la communication, bien sûr, va être très difficile à encadrer. Le Daily News surnomme déjà The Escalator, comprendre le pervers. Le New York Post ajoute The Horned Toad, le crapaud en chaleur. Explosion du trafic sur les sites d'info le 15 mai, plus 77%. Les ventes de journaux papier, elles, grimpent de 12%. Et pour Libé de 6%, BFM TV bat son record historique. Après les premiers récits, arrivent les premières images, choquantes elles aussi. Celles d'un DSK battu, mal rasé, l'imperméable tombant sur l'épaule, entouré de policiers et surtout, menotté, dans le dos, comme un criminel. DSK n'a pas échappé à sa Purp Walk, cette marche de la honte infligée aux accusés d'affaires criminelles, sorte de démonstration publique qui renvoie au Moyen-Âge et aux charrettes des malheureux qu'on emmenait au bûcher sous les cris de haine de la foule. Pratique impensable dans un pays comme la France, où la présomption d'innocence fait loi. Alors, pour ses amis, c'est un traumatisme. Et pour le peuple, une sidération. D'un seul coup, le patron du FMI, homme d'État à l'envergure internationale, désigné président de la République française avant l'heure, est tombé comme on plonge dans le cauchemar d'un scénario de série policière américaine. De l'autre côté de l'Atlantique, dans le commissariat de Harlem où se trouve l'unité spéciale pour les victimes de viol, la machine judiciaire se met en marche. Côté accusation, on cherche à accumuler les preuves. D'abord, on s'assure que c'est bien Dominique Strauss-Kahn qui est mise en cause et qu'il ne s'agit pas d'un malentendu. On organise une séance d'identification. 4 hommes sont convoqués au commissariat. DSK attend avec eux dans une pièce avec un miroir sans teint. La femme de chambre arrive pour les identifier. Elle est formelle et elle lance en pointant Dominique Strauss-Kahn du doigt. C'est lui, oui, c'est le numéro 3. De ce côté, DSK rassemble ses troupes. Il a bien sûr appelé son avocat William Taylor, qu'il connaît depuis plusieurs années. Raisonnable, il n'en est pas moins un cador du barreau. Il a la réputation de gagner ses procès. Mais pour cette affaire, l'avocat sent qu'il lui faut de l'aide. Pour lui, l'homme de la situation s'appelle Benjamin Braffman. Lui aussi est un ténor du barreau, très connu à New York. 62 ans, les cheveux gris coiffés en arrière, il a des allures de personnage de mafieux dans les films de Scorsese. Sa spécialité, les scandales qui entourent des personnalités publiques. C'est lui qui avait défendu Michael Jackson quand il avait été accusé d'attouchement par un jeune garçon en 2004. Alors, un homme politique d'envergure internationale accusé de viol, oui, bien sûr, c'est dans ses cordes. DSK et lui forment un duo de choc. Leur première épreuve, obtenir une libération sous caution. 16 mai 2011, Palais de justice de Manhattan. L'heure de la première confrontation a sonné. C'est le juge Melissa Jackson qui présidera la séance. Brune, les cheveux soigneusement coiffés, elle a l'allure qui correspond à sa réputation, sobre, stricte, sévère. Les chefs d'accusation sont au nombre de 7. Acte sexuel au premier degré, tentative de viol au premier degré, agression sexuelle au premier degré, emprisonnement illégal au second degré, agression sexuelle au troisième degré et attouchement non consenti. Au total, DSK risque jusqu'à 74 ans et 3 mois de prison. Le procureur a eu la main lourde, l'enjeu est énorme. L'adjoint du procureur, John McConnell, avance ses pions. Il faut à tout prix éviter que DSK fuit vers la France. Le cas d'Orman Polanski, qui en 1978 s'est réfugié à Paris pour échapper à un procès pour viol, est encore dans toutes les mémoires. D'ailleurs, Dominique Strauss-Kahn n'a-t-il pas eu comme premier réflexe, quelques heures à peine après les faits, de sauter dans un avion en direction de Paris? De surcroît, d'anciennes histoires pèsent sur DSK. Avant l'affaire de Sofitel, une autre femme l'avait déjà accusée d'agression sexuelle. Tristan Bannon, une journaliste française. Enfin et surtout, DSK est un homme riche. Selon McConnell, il a tout à fait les moyens de financer son évasion. Benjamin Braffman, l'avocat de DSK, fait de son mieux. Et son client est prêt à coopérer. Il a la famille à New York. Non, il n'a aucun intérêt à fuir. Mais c'est peine perdue. À peine 45 minutes plus tard, le verdict tombe. Une vie qui bascule. Dominique Strauss-Kahn passe donc sa première nuit en prison. La juge Melissa Jackson a décidé de l'incarcérer. Elle a refusé sa libération sous caution. Retour sur la journée d'hier avec Grégory Phillips. Après 45 minutes d'audience dans cette petite salle de la Criminal Court de Manhattan, la juge Melissa Jackson rend sa décision. Pas de remise en liberté, la caution $1 million est refusée. DSK dans son manteau noir, l'œil sombre, est impassible. D'ici vendredi, un grand jury populaire composé de 23 citoyens entendra le procureur et Dominique Strauss-Kahn s'il le souhaite. Ces jurés devront dire s'ils estiment nécessaire la tenue d'un procès. En attendant ce grand jury, Dominique Strauss-Kahn va donc séjourner en prison, et pas n'importe laquelle. Dès la fin de l'audience, il est escorté vers Rikers Island, le nouveau Alcatraz. Située sur une île de l'East River, cette prison est connue pour être la plus grande et peut-être la plus violente des États-Unis. Dominique Strauss-Kahn est maintenant un prévenu presque comme un autre. On le place dans une section spéciale de la prison réservée aux détenus atteints de maladies contagieuses, sous surveillance anti-suicide. Privé des lacets de ses chaussures et affublé d'une combinaison bleue en tissu impossible à déchirer, DSK, la coqueluche du monde politique et des médias en France, va passer sa première nuit en prison, soupçonné de harcèlement sexuel sur une femme de chambre du Sofitel. Ça la fout mal, vraiment très mal. Nouvelle onde de choc, rue de Solferino. Le maigre espoir des premières heures de voir leur champion mis hors de cause vient de s'envoler. Cette fois, c'en est fini de DSK. Dès le lendemain, Martine Aubry réunit le bureau national du Parti Socialiste. Et la séance a des allures de cérémonie funéraire. Tout le monde est habillé de noir, les mines sont sérieuses, sombres. Les prises de parole se succèdent. Martine Aubry en premier, qui adresse des mots à Dominique, à sa famille et pour la première fois la victime. L'émotion est pesante, alors que les hommages s'accumulent. Le dernier à prendre la parole, c'est François Hollande, rival de DSK au primaire. C'est lui maintenant qui devient le nouveau favori du PS pour battre Nicolas Sarkozy. Alors, nouvelle donne, nouvelle stratégie. Martine Aubry rechignait à se présenter face au patron du FMI, son allié. D'ailleurs, ils avaient scellé un pacte. Si t'y vas, j'y vais pas. Oui, mais DSK évincé, Martine Aubry va peut-être devoir y aller. En tout cas, c'est le bruit qui court dans les coulisses du PS. Eh bien, bon courage, parce que la victoire d'un socialiste à la présidentielle de 2012, d'un seul coup, n'est plus une évidence. Avec son champion sous les barreaux pour une affaire de mœurs, l'image du Parti Socialiste vient de prendre un sacré coup. Et puis, la dimension sexiste de l'affaire commence à faire parler. Non, tout cela est vraiment mal engagé, car tout accable DSK. Sa réputation sulfureuse amène aussi à cette question. A-t-il été protégé dans d'autres affaires qu'on ne connaîtrait pas ? Les langues commencent à se délier, les cadavres ne vont pas tarder à sortir des placards. Quelques semaines plus tard, c'est un membre du gouvernement UMP qui sera à son tour marqué au fer rouge, Georges Tron, le secrétaire d'État à la fonction publique, est sommé de démissionner. D'anciennes collaboratrices de la mairie de Draveil l'accusent d'attouchements sexuels et de propositions déplacées, de massages de pieds. Dans les médias, chacun y va de son petit commentaire. Certains font de l'analyse juridique, martelant encore et toujours la présomption d'innocence, ou racontent leurs souvenirs avec des SK. Mais d'autres sont plus déplacés, à l'image de Jean-François Kahn, journaliste et ancien fondateur du magazine Marianne, qui sur France Culture prononce une phrase qui fera grincer. Je suis certain, enfin pratiquement certain, qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol. Je ne crois pas, ça. Je connais le personnage, je ne pense pas. Qu'il y ait une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire. Un troussage. Qu'il y ait un troussage de domestique, je veux dire, ce qui est pas bien. Mais voilà, c'est une impression. Nous devons dire nous, nous allons nous battre pour briser le silence au nom de toutes les femmes qui sont victimes de viols aujourd'hui en France et à travers le monde. Je vous remercie. À Paris, les féministes ne supportent plus ces commentaires méprisants. Une manifestation est organisée quelques jours plus tard en soutien à la victime. Clémentine Autain, Audrey Pulvar ou encore Caroline Dehas prennent la parole. Les soutiens de DSK, eux, se réduisent comme peau de chagrin. L'opinion publique lui tourne le dos. Son parti prépare déjà la suite. Le 18 mai, 4 jours après son arrestation, l'ancien chef tout-puissant du FMI est contraint à la démission. Alors, seul, assis dans sa cellule de Rikers Island, DSK comprend que son rêve présidentiel s'est envolé. Yeah, yeah, I'm called that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down, spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. Hate you a liberty. Long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's Il est 13h, bonjour à tous, bon week-end, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Libre, assigné à résidence et inculpé, nouvelle étape pour Dominique Strauss-Kahn au terme d'une semaine folle. Nous irons à New York où l'ancien directeur général du FMI a trouvé refuge après une nouvelle journée à rebondissement. Finalement, le cauchemar aura été de courte durée. Dans le clan des SK, c'est le soulagement. Seulement 4 jours après son entrée en prison, il peut déjà retrouver sa femme, Anne Sinclair, dans un appartement de Broadway. Assigné à résidence, il doit même porter un bracelet électronique. Quelques jours plus tard, nouveau déménagement. Le couple s'installe dans une luxueuse maison de ville du quartier chic de Tribeca. Loyer mensuel estimé, 35 000 euros. Sa nouvelle adresse fait couler beaucoup d'encre. Est-ce vraiment juste qu'un homme accusé d'un crime aussi grave puisse attendre son jugement dans le luxe ? Au même moment, la presse révèle l'identité de la victime. Et son portrait ne fait qu'accentuer l'immense décalage qui sépare les deux parties dans cette affaire. Depuis plusieurs jours, son anonymat était précieusement gardé. Alors que le nom et le visage de TSK sont jetés en pâture dans les médias du monde entier, personne ne connaît encore le visage ou le nom de la femme de chambre. On ne connaît que son surnom, Ophélia, qu'elle s'était choisie pour travailler au Sofitel. Et de son apparence, on identifie que sa silhouette cachée sous un drap blanc lorsqu'elle sort de l'audience. Reste ce commentaire des avocats de DSK, lancé en guise de preuve de l'innocence de leur client et qui vaut le détour. Elle est très peu séduisante. Elle s'appelle Nafissatou Diallo, réfugiée d'origine guinéenne. Sur France 3, on dresse son portrait. Très peu d'informations ont filtré sur la personnalité de la jeune femme d'origine guinéenne. On sait seulement qu'elle est arrivée aux États-Unis il y a 7 ans. Veuve, elle élève seule sa fille de 16 ans dans un quartier modeste du Bronx. Musulmane pratiquante, elle serait très impliquée dans la vie de sa communauté. Au Sofitel, ses patrons parlent d'une employée discrète, sérieuse, irréprochable. Prochaine audience le 6 juin, 3 semaines après le début de l'affaire. Mais les lignes ont déjà bougé. L'accusation a communiqué ses preuves. On a bien retrouvé un fragment d'ADN de Dominique Strauss-Kahn sur les vêtements de la victime. Impossible alors de continuer à nier qu'il y a bien eu un rapport sexuel. Plus difficile de prouver en revanche qu'il a été forcé. DSK plaide donc non coupable et affirme que la femme de chambre était consentante. Il ne reste plus qu'à attendre le procès. Chacune des parties connaît donc la stratégie de l'autre et peut contre-attaquer. Le 30 juin 2011, nouveau coup de théâtre. Le New York Times affirme que les accusations contre DSK sont sur le point de s'effondrer. Une audience est organisée en urgence dès le lendemain. Le cours du procès pourrait changer du tout au tout. Depuis plusieurs semaines, en effet, Benjamin Braffman a mis les bouchées doubles. Il a engagé une agence de détectives privés pour enquêter sur la victime. L'objectif étant de démonter sa crédibilité et de prouver qu'elle a menti. D'après les enquêteurs, la jeune femme aurait des liens avec des réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. On lui reproche aussi des mensonges dans sa déposition. Elle, qui raconte être restée prostrée dans le couloir en proie au vomissement, aurait en fait continué à travailler avant de contacter sa direction. Un coup de téléphone qu'elle aurait passé également paraît suspect. Elle aurait communiqué en effet avec un ami qui était en prison et lui aurait déclaré qu'elle espérait gagner de l'argent avec cette affaire. Et l'appel était sous écoute. Autant d'éléments capables de semer le doute dans l'esprit du jury. Pour chacun des chefs d'accusation, les 12 jurés devront donc répondre coupable ou non coupable au-delà de tout doute raisonnable. Dans le jeu de parole contre parole de la procédure judiciaire, celle de Nafissa Toudiallo semble ne plus avoir de poids. Le juge, Michael Obus, doit se rendre à l'évidence, l'accusation s'effrite. Ainsi, le 1er juillet 2017, Dominique Strauss-Kahn est libéré sur parole. Et la caution de 1 million de dollars que sa femme Anne Sinclair avait versée lui est rendue. C'est une victoire pour le clan DSK, bien sûr. Mais la partie n'est pas encore jouée. Le procès doit avoir lieu en août, ce qui laisse encore 2 mois à chacun pour enquêter. Kenneth Thompson, l'un des avocats de Nafissa Diallo, sent qu'il faut communiquer immédiatement. Et dès la sortie de l'audience, il rappelle les preuves matérielles qui pèsent sur Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn est sorti de l'une des pièces nue. Il a couru vers elle. Il a d'abord saisi sa poitrine. Il a commencé à l'attaquer. Il a ensuite attrapé son vagin avec tant de force qu'il l'a blessé. Lors des analyses médicales à l'hôpital un peu plus tard, les infirmières ont constaté les ecchymoses causées par Dominique Strauss-Kahn sur son vagin et ils ont pris des photos de son vagin et le tribunal est en possession de ces images. Il faut à la partie Diallo reconstruire le dossier. Et c'est de France que viendra leur meilleur allié. Le 4 juillet 2011, Tristan Bannon, qui avait déclaré avoir été violée par Dominique Strauss-Kahn en 2003, décide de porter plainte. Elle rencontre Nafissa Toudiallo à New York la même semaine et elle décide de mener leur combat ensemble, oui, de rassembler leurs forces. Quelques semaines plus tard, c'est Nafissa Toudiallo qui sort à son tour de son silence et accorde des interviews aux médias américains. Sur France 2, on rapporte ses propos, à commencer par les raisons qui la poussent à parler. Je n'ai jamais voulu parler publiquement, mais je n'ai pas le choix, je dois le faire pour moi, je dois dire la vérité. Je veux que justice soit faite, je veux qu'il aille en prison, je veux qu'il sache qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous servir de votre argent, de votre pouvoir, quand vous faites un truc pareil. La jeune femme de 32 ans s'est également confiée pendant plus de 3 heures à 2 journalistes du magazine Newsweek. Dans cet entretien, elle explique sa version des faits. Elle croyait la chambre 2806 inoccupée quand soudainement DSK est apparu. La suite, ce sont les journalistes de Newsweek qui le racontent. « Oh mon Dieu, je suis désolée », a-t-elle dit en faisant demi-tour. « Ne vous excusez pas », a-t-il répondu. Mais selon elle, il s'est mis à agir comme un fou, lui a attrapé la poitrine, il a claqué la porte de la suite. Elle explique ensuite avoir fui la chambre, s'être réfugiée dans le couloir et avoir vu DSK sortir à son tour de la suite. Ce n'est que le lendemain qu'elle se rend compte de l'identité de l'homme qu'elle accuse. J'ai regardé les informations le lendemain matin et ils disaient que cet homme que je ne connaissais pas allait être le prochain président de la France. J'ai pensé qu'ils allaient me tuer. Sur ces mensonges révélés par le procureur, Nafissa Toudiallo reste vague. Elle reconnaît des erreurs mais réfute avoir changé de version. Elle assure avoir dit toute la vérité. Les avocats de Dominique Strauss-Kahn sont furieux. Pour eux, il est temps, je les cite, que ce cirque indécent s'arrête. Mais en privé, en fait, ils sont confiants. Leur travail de sable de l'image de Nafissa Diallo a été si efficace que le non-lieu leur paraît être la seule issue pour cette affaire. Le procureur peut continuer à enquêter, leur client ne retournera pas en prison. Deux mois plus tard, la justice leur donne raison. Le 23 août 2011, le procureur Cyrus Vance Gier, qui avait requis 74 ans de prison contre Dominique Strauss-Kahn, déclare le non-lieu. La défense avait évoqué une relation consentie et une absence passagère de jugement de la part de DSK. En tout cas, c'est le soulagement. Il est libre. Mais c'est un coup de massue pour Nafissa Diallo. En France, le Parti Socialiste accueille la nouvelle avec soulagement, mais prudence. C'est pour moi un immense soulagement. Je suis très heureuse pour Dominique Strauss-Kahn et pour Anne Sinclair. Je le dis profondément. Et je pense que nous devons réfléchir dans ce moment à la vérité des faits, au respect des personnes, des victimes ou des coupables présumés, et au respect de la justice. Et j'espère que ceci nous amènera aussi à respecter la parole de Dominique Strauss-Kahn, à le laisser faire ce qu'il souhaite le plus, c'est-à-dire revivre normalement et s'exprimer au moment où il le décidera. Quelques heures après cette déclaration de Martine Aubry, c'est DSK lui-même qui prend la parole. C'est la fin d'une épreuve terrible et injuste. Je suis soulagé pour ma femme, mes enfants, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période, en envoyant aussi des lettres, des emails. Il faut qu'ils sachent que leur soutien a été très important. J'ai hâte de rentrer dans mon pays, mais j'ai encore quelques petites choses à faire avant de pouvoir partir. Et je m'exprimerai plus longuement quand je serai de retour. Dominique Strauss-Kahn semble tiré d'affaire et la décision de justice prend des allures d'épilogue. Le non-lieu n'est pas un acquittement, certes, mais enfin c'est toujours mieux, bien mieux qu'une condamnation. Alors, retour en politique? Non, impensable après une telle affaire. Et puis les candidats officiels à la primaire socialiste sont connus depuis plusieurs semaines, la campagne est déjà bien entamée. Et comme le scrutin est dans 2 mois à peine, impossible pour DSK de se refaire une image. Mais le répit est de courte durée. Dès le mois d'octobre, alors que la primaire socialiste bat son plein, le nom de Dominique Strauss-Kahn circule dans un nouveau dossier qui porte encore le nom d'un hôtel, le Carlton, à Lille. En mars 2012, il est mis en examen pour proxénétisme en bande organisée. La même année, au mois de décembre, il verse 1,5 million d'euros de dommages et intérêts à Nafissa Diallo, une somme considérable pour une affaire de ce type. Et dire que quelques mois auparavant, répétons-le, cet homme apparaissait comme le futur président de la République. C'est cette impression de gâchis d'un destin politique, échappant de surcroît à tout entendement, sauf probablement à la psychanalyse, qui a plongé les Français dans une sorte de sidération mai 2011. Et le souvenir de cet épisode reste vivace, saisissant. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, le trésor satiné. Doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. De la matinée et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, me tire du néant. Qu'importe l'amour. Les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, et épanouis et d'exhibe des trésors satinés dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire DSK volée Sofitel avec notre invitée Aurore Gorius. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste pour le site Les Jours et vous êtes spécialisée dans la communication politique que vous observez. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet, dont Les gourous de la com des rap chez Fayard en 2011. Tiens donc, en 2011, c'était en 2016 chez Fayard et le premier volume était en 2011 chez La Découverte. Ouais. Donc, c'était juste avant. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, juste avant l'affaire, en fait. Juste avant l'affaire DSK. Donc, vous vous intéressez aux relations entre les communications et la politique. Est-ce que c'est un mariage ancien? Parce que je me souviens, enfin, on se souvient tous, que le général de Gaulle était très doué dans la com, et j'ai l'impression qu'il la faisait tout seul, sa com. Hein. Oui, il la faisait tout seul. Donc, à partir de quel moment ça a été organisé autour des spin doctors et c'est devenu vraiment une activité à part entière? Ça commence à partir des années 60, dans la foulée de la communication de Kennedy aux États-Unis. Les communicants français commencent à arriver en France, notamment à la présidentielle de 65. Et d'ailleurs, le général de Gaulle est mis en ballotage à l'époque. Il refuse les services du communicant Michel Bongrand, qui va du coup aller conseiller ses adversaires. Et de Gaulle est mis en ballotage. Et c'est à partir de là que les spin doctors commencent à mettre un pied en France. Et ça n'a cessé de progresser par la suite. Notamment, on se souvient des campagnes de François Mitterrand avec Jacques Séguéla en 1981 et 1988. Ça, évidemment, c'est des campagnes très importantes en termes de communication. Jacques Séguéla qui crée Euro-RSCG. On va en parler. Voilà. Juste, on peut dire, puisqu'on parle de 1965, que le tout premier, ça a été Jean Le Canuet. Oui, exactement, hein, oui. Pas François Mitterrand, d'ailleurs, Jean Le Canuet. Jean Le Canuet, qui était conseillé donc par Michel Bongrand, et qui du coup, n'avait pas pu conseiller le général de Gaulle et qui était allé voir Jean Le Canuet. Alors, donc, Dominique Strauss-Kahn, lui, était conseillé par un mastodonte, un gros bras de cette profession, Euro-RSCG. C'est toujours l'une des plus grosses structures de com en France. C'est la plus grande agence de com française. C'est une des plus grandes, même au niveau mondial. Qui fait du conseil aux politiques, mais aussi aux entreprises, aux grandes boîtes du CAC 40. Et le grand patron aujourd'hui, alors ça a été Jacques Séguéla qui était le S d'Euro-RSCG dans les initiales. Ouais. Et là, c'est Fuchs. Et maintenant c'est Stéphane Fuchs qui donc aujourd'hui est aux manettes et qui conseille le plus souvent bénévolement, qui a conseillé beaucoup de politiques, Lionel Jospin, mais aussi très vite Dominique Strauss-Kahn, qu'il a lui-même démarché d'ailleurs quand Dominique Strauss-Kahn était ministre de l'économie à Bercy sous Lionel Jospin. C'est Stéphane Fuchs qui allait le rencontrer, qui a voulu le conseiller. Mmh. Et c'est comme ça que le premier contact s'est fait. Et ensuite, Stéphane Fuchs a embauché un certain nombre de collaborateurs au sein de son agence de Dominique Strauss-Kahn. Et c'est comme ça que, finalement, progressivement, Stéphane Fuchs est devenu le conseiller personnel de Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Alors, nous n'oublions pas que la com, en tout cas en politique, c'est montrer le monde tel qu'on voudrait qu'il soit à son profit. Mmh. Alors que l'info, c'est de montrer le monde tel qu'il est. Et on sait bien que le premier concept pollue parfois le second. Hein, oui, absolument. Voilà. Donc, certaines... Interview politique, parfois c'est la com qui l'emporte, et même souvent d'ailleurs. Alors voilà, donc Euro-RSCG, gros bras de la profession, voilà qui lui tombe dessus, cette affaire, qui est probablement la plus saisissante depuis le début de ce nouveau siècle. En France, en tout cas, c'est certain. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas forcément de panique, ce sont des professionnels, mais quand même, c'est quand même une montagne qui leur tombe dessus, quoi. Il va falloir la gravir, cette montagne. Non, c'est quand même... D'ailleurs, à l'époque, ça a été qualifié d'accident industriel. Ça leur tombe sur la tête. Sachant que, donc, Euro-RSCG avait créé une petite cellule en interne pour, justement, préparer la candidature de Dominique Strauss-Kahn. Il y avait des communicants comme Anomel, Ramzi Kiroun, qui sont des proches, qui ont été des proches Dominique Strauss-Kahn depuis longtemps. Et tout leur travail, c'était d'aller chercher Dominique Strauss-Kahn à New York au FMI, de le faire réatterrir en France pour pouvoir participer à la présidentielle. Mmh. Et à l'époque, Dominique Strauss-Kahn, vous l'avez raconté, était donné gagnant dans tous les sondages. Donc c'était par ailleurs, Euroyer-SCG avait déjà misé sur Dominique Strauss-Kahn en 2007 et il s'était planté puisque Ségolène Royal avait été candidate du PS. Donc là, c'était l'année de Dominique Strauss-Kahn, c'était là où il devait réussir. Et quand ça leur tombe dessus, alors non seulement ils s'y attendaient pas, mais alors en plus, ça leur échappe en grande partie parce que ça se passe à New York, parce que ça se passe avec la justice américaine et que la latitude d'Euroyer-SCG à l'époque pour essayer de réagir à la crise est quand même relativement faible. Ça se passe beaucoup dans les mains des avocats qui ont la main puisque c'est une procédure judiciaire. Et les images sont catastrophiques. Vous l'avez rappelé, Dominique Strauss-Kahn avec les menottes, les mains dans le dos, le visage livide, qui est déjà, à travers les images, quasiment coupable. La présomption d'innocence est quand même difficile à défendre. Donc, c'est compliqué pour l'agence de réagir et c'est compliqué de mettre en place une com de crise à distance. Alors l'agence a essayé de circonscrire un peu les choses, c'est-à-dire d'éviter que d'autres femmes éventuellement portent plainte. D'ailleurs, on a vu que Tristan Bannon l'a fait. Donc il y ait comme ça une espèce de montée en puissance de l'affaire, mais ça a été difficile pour elle de réagir. C'est, à la limite, ce sont les avocats de DSK qui portent la com au bout du compte dans cette affaire. Oui, parce que vous l'avez rappelé, finalement. Finalement, une des grandes tactiques en communication de crise chez les communicants politiques ou même pour des entreprises, c'est parfois d'essayer de discréditer les adversaires. Et finalement, là, c'est les avocats qui vont le faire. C'est-à-dire que c'est les avocats qui vont chercher des choses grattées dans le passé de Nafissa Toudiallo pour essayer de la discréditer. Ce qui est leur travail, mais il se trouve que mécaniquement, ça arrive sur le terrain de la com. Mais au départ, ils font leur travail. Hein. Oui, c'est une stratégie d'avocat. Alors. C'est une stratégie d'avocat qui est de plus en plus utilisée dans les stratégies de communication de crise. Alors, puisqu'on parle de communication, qu'on n'a pas énormément de temps, on va aller à l'essentiel, au point essentiel. La communication assurée par Dominique Strauss-Kahn lui-même, lorsque le 18 septembre, sur le plateau de Claire Chazal, c'est ça, TF1? Oui, TF1, le 20h de Claire Chazal. Alors, il s'exprime dans le 20h. Et on attend avec impatience. Et ça n'est plus qu'un grand exercice de communication. Ce n'est plus un exercice politique parce que sa carrière, c'est fini. Hein. Et puis, donc, on est dans la com. Quel regard vous avez porté, vous, sur cet épisode-là? Quand il vient expliquer aux Français tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a ressenti. C'est un épisode qui a été extrêmement raté, c'est-à-dire que il a parlé, d'abord il a eu un ton extrêmement emprunté, on sentait vraiment le travail des communicants derrière, avec du media training, etc. C'était visiblement un discours qui avait été ultra préparé et qu'il débitait à la télévision, mais surtout, il a à peine reconnu une faute morale par rapport à ce qu'il avait fait. Par la suite, il s'est retranché derrière le rapport du procureur qu'il a brandi à l'image, en se faisant passer un peu pour victime. Il a continué à charger Nafissa Toudiallo en disant que ses motivations avaient été probablement financières. Donc il l'a dit à deux reprises dans la. C'était quasiment le complot, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la théorie du complot, la victimisation. Et il ne reconnaît pas du tout ses torts. Il ne fait pas du tout profil bas. Et quand on regarde aujourd'hui cette interview, il est à plusieurs reprises, il monte le ton, il est à plusieurs égards assez agressif. Donc c'est un exercice de communication complètement loupé, il ne fait pas du tout amende honorable, il ne reconnaît pas du tout ses fautes. Et c'est vrai que quand on le regarde en plus aujourd'hui à l'aune de l'affaire Weinstein et compagnie, où on voit que les hommes qui sont parfois accusés dans les médias ou accusés par certaines femmes font plutôt profil bas, là c'est tout l'inverse. Donc aujourd'hui encore, je trouve que c'est encore plus raté 6 ans plus tard. Quoi. D'ailleurs, les commentaires dans la presse, le lendemain, allaient dans le sens. C'était catastrophique. Raté. Aurore Gorry, je vous présente Annaëlle Verzeau, qui est en face de vous. Bonjour, Annaëlle. Bonjour. Annaëlle est notre reporter. Alors, pour comprendre maintenant à quel point l'affaire DSK a bouleversé le Parti Socialiste. Parce qu'avant, c'est le parti qui a été évidemment touché par cette affaire. Vous avez sondé les âmes de ce grand parti de gouvernement, aujourd'hui un peu à la rue, il faut bien le dire, auprès d'un ancien grand soutien de Dominique Strauss-Kahn. Et oui, Émeric Breillet, qui était député socialiste de Seine-et-Marne et qui était effectivement à l'époque très très proche, on peut même dire ami de DSK. Il avait même commencé à faire campagne pour son ami en mai 2011 et il se souvient très bien du jour où DSK a été arrêté. Il nous confie ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Moi, je suis tombé tel l'Empire State Building. Moi, ça a été une journée cataclysmique, quoi. Pour nous, c'était une grosse claque. Tout le monde était perdu, en colère aussi. En colère. Contre qui? Contre Dominique. Le truc, c'était, mais quand on se prépare à être candidat à l'élection de la présidence de la République, on fait pas de conneries, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez au moment de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn? Alors, vous vous souvenez de ce jour-là? Mais je m'en souviens très bien, puisque à l'époque, j'ai été élu. J'étais adjoint au maire de Chelles, premier fédéral de Seine-et-Marne, de la fédération de Seine-et-Marne, que j'étais investi auprès de Dominique, que je militais pour sa candidature, que le week-end précédent, on avait en Seine-et-Marne lancé les comités DSK 77, qu'on avait réuni 200 personnes autour d'un pique-nique champêtre à Brie-Comte-Robert, et qu'on avait d'ailleurs pour cette occasion fait des t-shirts qui sont maintenant des collectors. J'en ai encore un d'ailleurs. Des t-shirts DSK 77 qu'on avait donné au moment du lancement de ce comité militant pour la candidature de Dominique. Et donc cette réunion avait eu lieu le 9 mai, donc le week-end précédent l'arrestation de Dominique. Donc toute la matinée et une partie de l'après-midi, j'ai passé mon temps au téléphone. Tout le monde vous appelait ? Ouais, bah oui, parce que j'étais le premier fédéral, tout le monde savait que je militais pour Dominique ardemment. On vous disait quoi ? On vous posait quoi ? C'est quoi ce bordel, Émeric ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Voilà, vous leur disiez, hein, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien, et tu dis rien. On attend de voir ce qui va se passer. D'autant que les images étaient quand même d'une violence inouïe, quoi. Le voir sortir du commissariat, menotté, l'impère, je me souviens, l'impère de côté, parasé. Et c'est ce mec pour lequel on s'apprêtait à faire campagne comme des tarés. Vous pensiez à ce moment-là que Dominique Strauss-Kahn allait devenir président de la République ? Oui. Pour nous, il était au-dessus du lot. Il y avait une voie royale. Et à ce moment-là, vous vous êtes dit... Quel connard. Bah, ça pouvait plus être Dominique. C'est une occasion manquée. Bah oui, moins qu'on puisse dire. Rorgorius, est-ce que vous savez, si on savait, dans les couloirs de Solferino, que DSK et les femmes, bah, c'était une histoire, disons, agitée? Oui, on savait, c'était quelque chose qui était su du PS, qui était su du milieu journalistique aussi, du milieu médiatique. On savait qu'il y avait un comportement avec les femmes qui était parfois des comportements de pression divers et variés, donc c'était un secret de Polichinelle. Et là où la communication, finalement, a failli, c'est que, effectivement, ce genre de choses, normalement, c'est ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai, quand on présente et quand on fait la communication d'un candidat à la présidentielle, on s'assure quand même que le candidat seul de ce genre de choses se tient à carreau, et tout ça visiblement n'a pas été mis au clair avec Dominique Strauss-Kahn, qui a continué des agissements qui ne devraient pas avoir lieu quand on veut être président de la République, quoi. Voilà, donc là il y a eu vraiment un incident important. Important, s'il n'y avait pas eu cette histoire du Sofitel et si Dominique Strauss-Kahn avait remporté la primaire, c'est le carton qui lui serait tombé dessus. Oui, exactement. Ce qui eût été peut-être encore plus difficile. Oui, et puis le PS aurait été évidemment beaucoup plus entravé. Oui. Là, le PS a pu réagir parce que bon, il y a eu l'hypothèse Martine Aubry qui avait passé un accord. Et rapidement, finalement, bon, elle se présente, mais François Hollande a très bien joué le coup, parce que François Hollande finalement croyait en ses chances. Et il était parti assez tôt, il avait labouré le terrain dès 2009 pour essayer de se présenter. Et il part en campagne en mars 2011, on a oublié, mais il fait sa déclaration de candidature avant l'affaire du Sofitel. Du coup, il est parti, et c'est vrai qu'avant l'affaire du Sofitel, les écarts entre Hollande et DSK se réduisaient déjà. Et une fois que l'affaire du Sofitel tombe, Hollande sent qu'il a toutes ses chances, et c'est à partir de là, effectivement, que le chemin s'ouvre pour lui. Bien sûr, et puisqu'on parle de communication, donc on parle d'image, tout le monde pense que Dominique Strauss-Kahn aurait gagné la primaire, qu'il aurait écrasé François Hollande. Or, le style de Dominique Strauss-Kahn pouvait parfois ressembler, je ne parle que du style, à celui du président Sarkozy de l'époque, un côté un peu m'as-tu vu, alors que les Français voulaient le contraire de cela, et que François Hollande renvoyait plutôt cette image du contraire, et peut-être que François Hollande aurait gagné la primaire. Alors, c'est après toujours tout. Très dur. On va pas faire de fiction, mais en termes d'image, est-ce que franchement DSK avait la bonne image au bon moment? Bah, c'est toujours difficile de refaire l'histoire par après, mais j'ai entendu effectivement certaines personnes dire de toute manière Hollande aurait gagné face à DSK lors des primaires. Donc, on a beaucoup dit que DSK allait forcément tout remporter, etc. C'était loin d'être gagné. Et d'ailleurs, lui-même en doutait un petit peu, puisqu'il avait fait le tour des journalistes avant, au printemps 2011. Et il avait commencé à poser des jalons. Et il savait qu'il y avait des embûches sur sa route. Donc, tout n'était pas gagné pour lui. Et là, effectivement, bon, avec cette affaire, c'était réglé. c'était réglé. On va écouter la deuxième partie des confidences d'Émeric Breillet, donc l'ancien député socialiste de Seine-et-Marne et grand soutien de Dominique Strauss-Kahn avant qu'arrive cette catastrophe. On va écouter donc cette suite de confidences. Au Parti Socialiste, l'impression qui est donnée, c'est que tout le monde découvre un peu les pratiques particulières, on va dire, de Dominique Strauss-Kahn en matière sexuelle, enfin en tout cas avec les femmes. Or, en tout cas, ça se disait que Dominique Strauss-Kahn était alors au minimum volage. Écoutez, croyez-moi ou ne me croyez ou pas, mais moi j'ai un défaut, c'est que ce genre d'histoire ne m'a jamais intéressé. La vie sexuelle des uns et des autres, je m'en contrefous. Donc du coup, moi, honnêtement, je suis tombé assez dénu, quoi. Comme ça m'intéressait pas, j'étais à 100 000 lieues de pouvoir penser ce genre de truc. Pour moi, c'était pas Dominique, quoi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'affaire Weinstein, l'affaire DSK aurait été traitée médiatiquement et même judiciairement différemment, si ça avait eu lieu aujourd'hui ? J'en sais rien. Par contre, je pense que cette affaire peut être perçue comme un des points de départ de la montée en puissance d'une demande de prise en compte des crimes sexuels ou du harcèlement, ou etc., dans la sphère publique et médiatique. Et maintenant, avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? On ne saura jamais ce qui s'est véritablement passé à New York. Vous y avez cru ou pas ? Non, j'y crois toujours pas, moi. Alors, le point de départ, la question d'Anaël, justement, sur le point de départ de toute cette libération de la parole, l'affaire Weinstein, et on l'a dit dans le récit, on a passé un extrait de manifestation de femmes qui en avaient marre de propos arrogants, mal placés, et qui disent, on l'a entendu, mais on va parler. Mmh. Donc, est-ce que cette affaire Strauss-Kahn peut être considérée, après tout, pourquoi pas, comme le point de départ de cette libération de la parole qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, même si, on peut éventuellement maintenant refaire cette histoire-là, même si à l'époque, ça n'a quand même pas totalement libéré, puisqu'après, il y a eu l'affaire Baupin, et que l'affaire Baupin, bon, des femmes ont parlé, mais elles ont été quand même très peu soutenues, lui-même a nié, donc c'est difficile encore, hein, ça a été très lent. Après, c'est vrai que le fait que ce tabou tombe sur Dominique Strauss-Kahn, alors que là, je le répète, vraiment, c'était su, et que même des militants, c'était su, enfin, je pense, mais bon. Je pense qu'effectivement, ça a peut-être un peu ouvert les choses pour des femmes qui avaient envie de prendre la parole, et c'est vrai que dans l'univers politique, ce sont des pratiques assez répandues d'hommes de pouvoir qui exercent leur pouvoir aussi sur leurs collaboratrices ou collègues. Et globalement, quel est votre regard de spécialiste de la communication politique sur la communication du Parti Socialiste au lendemain de cette affaire, quand on l'apprend? Alors, je dis Parti Socialiste, oui, il y a une voix, celle de Martine Aubry qui était première secrétaire, mais il y a quand même des teneurs qui s'expriment aussi de façon libre. Comment vous les avez trouvés d'un point de vue de la communication? Je les ai trouvés globalement très empruntés et très mal à l'aise, pris entre deux feux, c'est-à-dire dans la... Ça, c'est normal, c'est postulat. Oui, mais dans la nécessité de ne pas gâcher les chances du PS pour la présidentielle, sachant que en face, Nicolas Sarkozy était quand même très affaibli, avait une fin de mandat difficile, donc il y avait des chances pour le PS de jouer la carte de l'alternance. Donc il fallait, voilà, et en même temps, il fallait garder les troupes mobilisées. C'était très compliqué. Il pouvait y avoir évidemment beaucoup de personnes qui étaient découragées par la situation. Donc on a vu des politiques un peu emprunté, et en même temps une certaine hypocrisie, parce que encore une fois c'est des choses qui étaient très sues, donc des prises de parole d'une prudence extrême, et on aurait pu entendre, mais encore une fois c'était il y a 6 ans, des ténors du Parti Socialiste prendre beaucoup plus leur distance par rapport à ce qui s'était passé. Et globalement, même Martine Aubry, qui était loin d'être une amie de Miss Strauss-Kahn, ça a toujours été l'anti-DSK, Martine Aubry. Bon, il y avait un accord entre eux, mais en termes de communication, en termes de style, Martine Aubry n'avait rien à voir, ni en termes de courant avec Miss Strauss-Kahn. Elle est restée extrêmement prudente, elle les a préservés jusqu'au bout, Miss Strauss-Kahn et Anne Sinclair. Et finalement, je pense que ça n'a pas desservi François Hollande, mais ça a quand même, je pense, un peu nu à l'image du Parti Socialiste, globalement. Bien sûr. Et quel est votre regard encore, toujours à travers ce prisme de la communication, de ce qu'a été ce quinquennat de François Hollande, qui a été difficile, qui a été chaotique, et il semble, pour essentiellement des raisons de communication. Est-ce qu'il y avait un manque de savoir-faire criant de la part de François Hollande? Alors, ce qui est vrai, c'est que... Là, je parle du quinquennat. Ouais, hein. Du quinquennat. Mmh, mmh. François Hollande, c'était aussi, d'une certaine façon, un anti-DSK, parce que lui avait vécu la campagne présidentielle de 2002, où RORSCG avait planté la campagne présidentielle de Lionel Jospin. Donc, il n'a pas voulu de communicants dans son entourage. Il n'a surtout pas voulu d'RORSCG, qui, de toute manière, roulait pour DSK, donc c'était pas le camp Hollande. Il n'a pas voulu du tout ni de RORSCG, ni de communicants quand il est arrivé à l'Élysée. Et c'est vrai que la communication de François Hollande à son arrivée a été très désorganisée. C'est parti un peu dans tous les sens. Les ministres parlaient tous et il y avait un problème de centralisation. Il a essayé de se ressaisir et de centraliser les choses à partir de 2014 en nommant Gaspard Ganzer qui coordonnait tout ça, mais c'était très compliqué pour lui et c'est vrai qu'en termes de com, ça a été dur pendant tout le quinquennat. Merci infiniment Aurore Gorius, journaliste pour le site Les Jours, spécialiste de la communication politique. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire DSK, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Raphaël Rousseau qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes jeudi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Cara, Jean Bulot et Gabriel Debré. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Boulet. Lecture, Philippe Pirard et Aurélien Labrouille. Demain, la fiction, elle sera consacrée au drame des migrants à travers le parcours, l'Odyssée même, d'Ibrahim, dans la foulée de l'émission que nous vous avons proposée mardi sur Lampedusa.